génie de la bourse. Klesse Douma, Kotelanga Iko. Tout le monde comprenga, Zokande Zalamu, Mboka Bolingo. Laisse-moi faire ma vie, na l'amour so basakateo, c'est mi tema, mi tema. Jos Mundele, Bege Bilao. Kolinga to Koboya, Eya Kasena Malembe. Dedei somo. Ona leloyo, na lingie. Ito e pulae. Kolingo tangwe tonaka na bongo mwa denge. Mboka bolingo, mindondoe. Petito, boda boda. Bafiti contre nga, kaka pona petit tango. Yenda kitoko tro, pona lingie. Abaxi mbusa e. Fifi talanga na yo, tobotinga na yo bana. Tobokolo bango malembe, malembe. Bubulu yondela e, kunzi. Bolingweza la kaka kabongo lelo bosani lo bibo bongisi. Baswana kate polo bibo kapana. Mama mama mama Rome kitoko. Aga mama Patrick Pacho Mouluba, le grand juif congolais. Hein? En direct, en direct, Redi Bailo, Lela. Yewana yewana e, na lingi. Fifi Fitir. Mbonde Fifi e. Top model Rosa Mputu Angotambo Lanzela e Loko Langolo Malangolo e Yende Mpoka Nzanda Tomo Pongo Malangolo e Akotuna Mwaziango Mayinini Yabimi Yasika Malangolo e Fifi Top model e Oka Mizi Ibato Malangolo e Bims Lomena Israel Nzemba Babele Limboka Mobimba Batuni Quatre têtes. La reine d'Angleterre a tout ni meyende na nyo mwasi ajuna Eka mwisi bato na ebisi bango Ezala kalo lango Lolango e, e lolango Kola lingi mwana Lolango e, e lolango Batu ni mezali ninye Lolango e, e lolango Ekipaka mwana temo kolote Lolango e, Sali basio basile ke lengite wana Basala ye kuku ya libela Mertop Baka mwenga na bato Mboka mwani ite Eme bongo John Kongolo Mboka mwani ite Olingo ezalaka lokola maji Olingo mutamo Olingo Olingo lifelo paradis Mwasi ya mwongo ale kita manelengi Basana reson Henri Gens Vemba Na flat hotel Medina Swad Na Njilie Amadou Jabi Ayi Botika botika na lula Oyo mote melingie Na l'amour et son basade Anise Pedro Na bolingo yuma zate Klashe duma Vampetre pera zate Zena Zenaba Bobelisha Ayi Botika botika na lula Oyo mote melingie Na l'amour ezo bazate Yalelo yunga na luli George di Roma Yolande Mayasi Na bolingo yuma zate Klashe duma Vampetre pera zate André Kimuta Monsieur le maire Azali étoile nanga Yengengi sakambo kamobima Lumière à Champs-Élysées mon amour Fifi tire C'est mec qui a mal Piège Azali Bendele nanga Epe pakanambo kamobaya Bendele à liberté Oh loulou Cliché de maï Maître Christelle Diamonica MJ30 à la voix de miel. Oebina Bolingo, les prix à Salakate, les chèques payés. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, coach. Godé Kimani, Oka Oka. Botika Botika na lula, Oyo Mote Melingie, na Frank Natemba Ricky Kabulo Oya Ida Hidalgo Jimmy Bofosa Nakatia Kaza Di Abramo Gino Bas Compressor Erdel Erdel Juna Janana. Je vous capte 5 sur 5. La confesse à bon mot d'emploi. N'est-ce pas? T'as copine à Rumba, Oyo. Maman aussi, ma papa, bon on a ma péka. Papa aussi, mi maman, bon on a louketo. Tour. Au petit si bon comme moi, mouke, côté Ebunda. Toulou dans Toulou, écoute, Anaï. Papa au hôtel, ma fixe, hein, immobile. Mama ye moko abanda koningana ningana lokola mbindo Kichuku, chu, kichuku, chu Bumba authentique Ibi Musasa, Mushikimpwa Pedos Congo, Maiko En direct de studio NG Serge Kabangwe Hakim, prince de Lausanne Nangoi na colonne, le Kiamoto. Akida Kiese, Wapi JR Ikoli. José Kongolo, Sia Sasa, Christian Akwasa, Vera Fu, Louis la Congolia, Mireille la Japonaise, Aimé Jean Calais.